passe-là ? Alors là, le héros se lève de la chaise et il s'assoit sur celle d'à côté. Chut ! Pardon, monsieur. Et là ? Le personnage regarde son café et pense... Chut ! On peut regarder le film tranquille, là, oui ? Excusez-nous. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le héros se remet sur la première chaise, il regarde toujours son café... Silence ! Eh, mais t'avais pas fait gaffe que c'était un film inter ? Bah non. Attention, les films inter ne comportent que très peu de dialogues. Ils sont déconseillés aux personnes non-voyantes. Ceci était un message de l'association des non-voyants cinéphiles. Ça va pas la tête ?